بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On va commencer inshallah ta'ala l'explication d'un des chapitres du Sahih de l'imam al-Bukhari. Et donc, al-Sahih de l'imam al-Bukhari, comme vous savez, que c'est... Les musulmans sont d'accord sur le fait que ce livre est le plus important après le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le meilleur livre après le livre d'Allah. Et cela nous montre l'importance de ce livre. L'auteur a placé plusieurs chapitres dans son livre, et parmi les chapitres qu'il a cités, il y a le chapitre qu'on appelle Kitab, Al-I'tisam bil Kitab wa Sunnah. Le chapitre qui concerne la fermeté sur le livre et la sunna. Et donc l'imam al-Bukhari, rahimahullah, c'est Abu Abdillah Muhammad ibn Idris, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari. Donc son nom, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari. Et donc il vient de Bukhara. Bukhara, comme on a vu tout à l'heure, c'est où ? En Ouzbékistan. Et donc on ne pourra pas me dire que je viens avec du wahhabisme saoudien. Notamment parce que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, la communauté musulmane, est unanime sur le fait que cet homme est un imam de cette communauté. On l'appelle même Amir al-Mu'minin fil hadith, le prince des croyants dans le hadith. Aussi, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il est mort en 256 de l'Hégire. Il est mort en 256 de l'Hégire, tandis que l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il est mort en 1206 de l'Hégire. Et donc, il y a un peu moins de 1000 ans entre les deux. On ne pourra pas me dire que je suis venu avec du wahhabisme. Et donc, Kitab al-I'tisam, le chapitre concernant al-I'tisam, la fermeté. La fermeté, le fait de s'accrocher fermement au livre, c'est-à-dire au Coran, et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wasallam, sans extrémisme. Qu'est-ce que je veux dire par l'extrémisme? L'extrémisme se divise en deux. Il faut qu'on fasse très attention aux mots qu'on utilise. Parce que parfois, certains peuvent utiliser des mots pour induire les gens en erreur ou par ignorance. On va transformer les mots. Comme on a chez nous en Martinique, on va parfois demander des sorbets. Un sorbet, alors que quand tu regardes la recette, il y a du lait dedans. Donc ce n'est pas un sorbet, puisqu'un sorbet, c'est une glace à l'eau. Et la glace, c'est une glace avec du lait. Et donc ce que nous en Martinique, on appelle sorbet, ce n'est pas un sorbet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup qui disent glace locale. Ils disent glace locale. C'est plus précis. Et donc, il faut qu'on fasse attention aux termes qu'on utilise. Qu'est-ce qui est voulu par le mot extrémisme? L'extrémisme englobe deux points importants. Lorsque tu tiens un bâton, tu dois le tenir au milieu. Tu ne le tiens pas à ses extrémités. L'extrémité du bâton, enfin son extrémité droite et son extrémité gauche. Et donc l'extrémisme, il y a deux parties dans l'extrémisme. Il y a l'exagération et il y a la négligence aussi. Beaucoup de personnes oublient que la négligence fait partie de l'extrémisme. Et certes, on verra dans ce livre l'importance donc de s'accrocher fermement au livre et à la sunna sans extrémisme. Et donc, sans exagération ni négligence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Helekel mutanattiroun. Les exagérateurs sont dans la perdition. Il l'a dit trois fois, sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, se sont gravement trompés ceux qui ont poussé les gens à délaisser la sunna afin de ne pas tomber dans l'extrémisme. Car au final, ils sont tombés dans une autre forme d'extrémisme, qui est la négligence. Et donc la meilleure façon de ne pas tomber dans l'extrémisme, c'est quoi? C'est d'apprendre quelle est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'on va essayer de voir, bidnillahi ta'ala, tous les vendredis après la khutbah. Comme on a dit, l'irtisam, donc la fermeté, le fait de s'accrocher fermement au livre, le livre c'est le Coran, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que la sunna. Qu'est-ce que la sunna? C'est tout ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole, acte, acceptation ou caractéristique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc l'imam al-Bukhari rahimahullah, ici il fait allusion à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa atasimu bihablillahi jami'a, et accrochez-vous fermement à la, donc Hablullah, le câble d'Allah, donc qui est la religion d'Allah, le livre d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Accrochez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et donc l'auteur, il nous a cité, l'imam al-Bukhari rahimahullah, il nous a cité dans ce chapitre 98 hadiths qu'on va étudier bi'idnillahi ta'ala en plusieurs séances, inshallah ta'ala. Le premier hadith, il nous dit wa haddathana Abdullah ibn Zubayr al-Humaydi qala haddathana Sufyan an Mis'ar wa ghayrihi an Qais ibn Muslim an Tariq ibn Hisham ibn Shihab qala rajulun min al-Yahudi li'Umar ya Amir al-Mu'minin لو أن علينا نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية نزلت يوم عرفة في يوم الجمعة سمع سفيان من مسعر ومسعر قيسا وقيس طارقا. Et donc, l'imam al-Bukhari nous a cité sa chaîne de transmission, donc, qui remonte jusqu'à Tariq ibn Shihab, qui nous dit qu'un homme parmi les juifs a dit à Omar, donc Omar ibn al-Khattab, il lui a dit, ô prince des croyants, il y a un verset dans votre livre que s'il était descendu sur nous, nous aurions pris ce jour, donc le jour de la révélation de ce verset, nous l'aurions pris comme jour de fête. La parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, « El yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum l'islam dina. » Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mes bienfaits. Et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Alors, Omar, radiallahu anhu, lorsqu'il a entendu cela, il a dit, « Certes, je sais durant quel jour ce verset a été descendu. » Ce verset est descendu le jour de Arafat, qui était un jour de vendredi. Et certes, vous connaissez l'importance du jour de Arafat pour la communauté musulmane, et aussi le jour du vendredi, qui est un jour de fête pour la communauté musulmane. Et donc il y a dans ce hadith le fait que notre religion est complète. Allah tabaraka wa ta'ala a complété pour nous notre religion, elle est complète. Tu ne peux rien y rajouter. Ne cherche pas à rajouter quoi que ce soit dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle est complète. Et comme on l'a vu précédemment, on l'a vu hier soir dans le cours de fiqh, on a vu que la base dans la religion, c'est... C'est quoi, Issa, la base dans la religion? Hein? On a cité une règle. On a dit la base dans les sujets, dans les choses mondaines, c'est... La base dans les choses mondaines, c'est... On a dit la licéité et la pureté. Ok? C'est que tout, dans les choses mondaines, toute chose est licite jusqu'à preuve du contraire. Et on a dit dans la religion, la base, c'est... C'est quoi? Tout est autorisé sur ce cas-là. Non, ça c'est dunya. Dans la religion... Tout est illicite sauf ce que... Voilà, tout est illicite, interdit, jusqu'à preuve du contraire. Parce que la religion, elle est complète. Tu ne peux pas venir rajouter ce qui ne fait pas partie de la religion. Et donc, avant de faire quoi que ce soit, il faut que tu vérifies que cette chose fasse partie de la religion. Sinon, tu tombes dans l'innovation. Et il y a aussi, dans ce hadith, le fait que justement, vu que la religion, elle est complète, nous devons la prendre comme elle est. Nous ne devons pas essayer de la changer et de retirer ce que nous ne voulons pas, comme si nous allons dans un supermarché. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin » Ô vous qui avez cru, rentrez pleinement dans la religion. Cette religion qui est complète, rentrez pleinement dedans. Et ne suivez pas les traces du diable. Certes, il est pour vous un ennemi déclaré. Et donc la religion agréée, la religion acceptée d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est l'islam. Cette religion dans laquelle nous devons rentrer pleinement. Inna dina indallahi l'islam. Certes, la seule religion auprès d'Allah est l'islam. Ensuite, le deuxième hadith qu'a cité l'auteur rahimahullah dans ce chapitre, il nous dit « Wa haddathana Yahya ibn Bukayr, qala haddathana Layth عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أنه سمع عمر الغد حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر فقال أما بعد فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا وإنما هدى الله به رسوله. Et donc il nous cite la chaîne de transmission rahimahullah qui monte jusqu'à Anas ibn Malik radiyallahu an qui dit qu'il a entendu Omar le lendemain, ce qui est voulu le lendemain de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a entendu Omar lorsque les gens portaient allégeance à Abu Bakr. Il s'est mis sur le mimbar du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et a loué Allah tabaraka wa ta'ala et a montré son unicité. Et il a dit Omar amma ba'd. Ceci dit, Allah a choisi pour son messager sallallahu alayhi wa sallam ce qui est auprès de lui au lieu de ce qui est auprès de vous. Et ce livre par lequel Allah a guidé votre messager, prenez-le, vous serez guidé. Car certes, Allah a guidé par lui son messager. Et donc ici, Omar radiallahu anhu, il nous pousse à prendre fermement le livre d'Allah. Prendre fermement le livre d'Allah, est-ce que ça veut dire prendre avec la main comme je fais maintenant, je prends ce livre entre les mains? Est-ce que c'est ce qui est voulu par là? Ce qui est voulu par là, c'est que tu lises ce livre, que tu profites de ce qu'il contient. Comment est-ce qu'on peut prendre le livre d'Allah sans le lire? Sans méditer? Sans chercher à comprendre ce qui est voulu, donc dans les versets, dans la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc ça, c'est important de bien le comprendre, barakallahu fikoum. Et il y a d'autres narrations qui nous citent ce qui s'est passé avant même. Il faut savoir donc que Abu Bakr avait annoncé à Omar la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Omar, au début, c'était difficile pour lui. Alors, il a dit que celui qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort, il allait donc le frapper de son épée. Alors, Omar, il est revenu, donc le lendemain, et il a dit, il leur a dit, « Amma ba'd, fa inni kultu ams, maqalatan wa innaha lam takun kama kultu. » Il a dit, « Certes, j'ai dit hier une parole, mais ce n'est pas comme j'ai dit. » وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ الْمَقَالَةَ الَّتِي كُلْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي كِتَابٍ أَنْزَلَهُ اللَّهِ وَلَا فِي عَهْدٍ عَهِدَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُوا أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُدْبِرَنَا. Et donc il dit, certes par Allah, la parole que j'ai prononcée hier, je ne l'ai pas trouvée dans le livre d'Allah, ni dans ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a confié à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc la sunna. Cependant, par ce que j'ai dit, j'espérais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vive jusqu'après nous, qu'on meure tous et qu'ensuite, lui, il meure. Et ensuite après, il a dit une parole donc, qui ressemble à la parole qui nous cite, que l'imam al-Bukhari a cité ici. Donc le fait de s'approcher au livre d'Allah, Tabaraka wa ta'ala. Donc il est clair ici que, ici, dans ce hadith, l'imam al-Bukhari, il nous montre encore une fois l'importance de s'accrocher au livre d'Allah. Et ne faites pas que ce livre, chers frères, soit chez vous comme un outil de décoration. Souvent, les gens vont mettre le mushaf avec des calligraphies, mushaf dans la mektaba ou ailleurs, dans le salon ou à l'entrée de la maison. Le Coran n'a pas été envoyé pour ça. Le Coran n'a pas été envoyé pour ça. Il a été envoyé pour qu'on le lise, qu'on y médite. Comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a dit dans son livre. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ne médite-t-il pas sur le Coran? Le troisième hadith, il wa haddathana. Qala haddathana Musa ibn Ismail. Qala haddathana Uhayb. An Khalid. An Ikrimah. An Ibn Abbas radiallahu anhuma qal. Dommani. إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. Et donc la chaîne de transmission jusqu'à Ikrima, selon Abbas رضي الله عنهما, qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم l'a serré contre lui et a dit, ô Seigneur, enseigne-lui le livre. Et donc ce hadith nous montre les mérites d'Ibn Abbas رضي الله عنهما. Cet homme pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué afin qu'il comprenne le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'où l'importance de revenir à l'exégèse de cet homme, Ibn Abbas. Mais de revenir à la compréhension aussi des compagnons, ceux qui ont étudié chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont eux qui ont pris de lui. Ce sont eux qui ont pris de lui la compréhension du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et voilà pourquoi les savants du tafsir, et parmi eux Ibn Kathir, rahimahullah, ils nous citent les façons de comprendre le livre d'Allah. Ils nous mettent en garde contre l'exégèse du Coran par l'opinion. Aujourd'hui, des gens qui vont utiliser leur opinion pour chercher à comprendre le livre d'Allah, je pense que si ou je pense que ça, ou ils vous donnent une explication du livre d'Allah qu'ils n'ont pris nulle part, ou alors, il vous donne une explication du livre d'Allah tirée par des expériences chimiques, etc. En sachant que les chimistes, un jour, ils peuvent nous dire quelque chose, le lendemain, ils vont nous dire autre chose, le surlendemain, ils nous donnent un troisième avis. Leurs avis évoluent en fonction de la science qu'ils ont, et à chaque fois, leur science, elle évolue. Et donc, base-toi sur l'exégèse, sur l'explication de ceux qui ont vécu durant la période de révélation. Le Coran est expliqué par le Coran. Et donc Allah, parfois, il explique sa parole dans d'autres versets. Ou le Coran est expliqué par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou le Coran est expliqué par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum. Ces personnes qui ont vécu à la période durant la révélation. Et le Coran est aussi expliqué par les tabi'in, ceux qui ont pris de ses compagnons et qui ont propagé leur science. Le quatrième hadith, il nous dit l'auteur al-Bukhari rahimahullah, wa haddathana, qala haddathana Abdullah, Ibn Sabbah, قال حدثنا معتمر قال سمعت عوفا أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. Donc la chaîne de transmission jusqu'à Abi Barza qui dit donc certes Allah vous a permis de vous suffire de l'islam et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, pourquoi est-ce qu'on va chercher ailleurs? Pourquoi est-ce qu'on va chercher ailleurs? Des explications qui nous viennent d'on ne sait où. Pourquoi allons-nous chercher ailleurs? Et donc, il est important, barakallahu fikoum, d'accorder une grande importance à cela. Comment devons-nous apprendre notre religion afin de la comprendre correctement? Le cinquième hadith, il nous dit « Haddathana Ismail »« Qala haddathana Malik »« An Abdillah ibn Dinar »« Anna Abdallah ibn Omar »« Kataba ila Abdil Malik ibn Marwan yubayi'uhu »« Wa ukiru laka bithalik »« Bis sam'i wa ta'a »« Ala sunnati Rasul »« Ala sunnati Allah » Et donc, l'imam Malik, selon Abdullah ibn Dinar, qu'Abdullah ibn Omar donc, a écrit à Abdul Malik ibn Marwan, qui était gouverneur à l'époque. Et donc, il a écrit à Abdul Malik ibn Marwan en lui portant allégeance et en disant, certes, par cela, j'affirme donc le fait de t'obéir, le fait de t'écouter et d'obéir, selon la guidée d'Allah et la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fonction de mes capacités. Et donc il nous montre encore une fois, l'auteur, l'importance de respecter, de suivre et de nous accrocher fermement au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même avec les gouverneurs. Même avec les gouverneurs. C'est-à-dire que l'obéissance aux gouverneurs se fait en fonction de notre législation, en fonction des recommandations, des ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. On t'interdit de prier, tu n'obéis pas. Pourquoi? Parce que Allah t'a ordonné la prière. Wa aqimus salat wa atuz zakat. Accomplissez la prière et acquittez-vous de l'aumône. Donc ça c'est très important. Mais nous on va arrêter là aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Et on reprend la semaine prochaine pour l'explication de cette série Kitab al-Irtisam, le chapitre de la fermeté tiré du Sahih al-Bukhari. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيراً.